s'accroche pourtant au fil de nos désirs, qu'hier encore on ne cessait de maudire. S'il faut mourir, autant vivre en crevé, tout retenir pour tout immoler. S'il faut mourir, sur nos stèles je veux graver que nos la mort et le temps. On tient, on étreint la vie comme une maîtresse. On se fout de tout brûler pour une caresse. Elle s'offrit. Pas d'autre choix. S'il faut mourir, autant vivre en crevé, tout retenir pour tout immoler. S'il faut on se reverra, on se reverra, là où rien n'est plus rien, on comprend.